Mr. Choco Brown. Toucher les anges. J'ai envie de toucher les anges. Yo. Comme j'aimerais toucher les anges. Couper mes racines et mes branches pour basculer dans les tranches. Me masculer dans les tranches. J'ai trop passé de temps à penser. Négro, pas assez offensé par la vie. Je dis n'importe quoi, car dans la vie, je n'ai pas de foi. Et mes habits me représentent pourquoi. Me sens happé par ce monde, happé par ce gong qui résonne dans ma tête, me sens claqué chaque seconde. Me noyer dans la largesse de mes sables veut dire que je refuse ce système et que je crains le pire. On fornique dans les tables, pactise avec le table. Je lui-même n'en peux plus, je t'assure que c'est pas une femme. Non, pourquoi resterais-je une seconde de plus ici? Même l'amour me déçoit, parlons même pas mon possi. Je n'ai que quelques potes, c'est bien peu dans ce monde de despotes. Donc je pense à eux avant de foutre ma vie au choc. Comme j'aimerais toucher les anges, couper mes racines et mes branches, directement voler dans le range, m'endormir par la douceur d'un son, jeter de la hauteur d'un pont. Comme j'aimerais toucher les anges, couper mes racines et mes branches, directement voler dans le range, m'endormir par la douceur d'un son, jeter de la hauteur d'un pont. Je regarde le monde tourner autour de moi, je me dis qu'il n'est agrémenté que de fournisseurs de Yankee. Si tu achètes, tu es quelqu'un. Si tu n'achètes pas, t'es rien. Car l'argent fait ce que tu es, puis t'en as et puis t'es bien. Mais je comprends pas ce que ça veut dire. L'argent te donne-t-il le pouvoir de foutre des familles sur le trottoir, de faire des essais médicaux sur des charclos raflés en pleine nuit. Avant c'était aux noirs qui faisaient la même vomie. Mais que penser d'un peuple ayant accepté les eaux humains, qui en a humilié tant d'autres? Mais saga, serait-ce humain? Est-ce que l'argent excuse tout? Est-ce que l'argent épuise tout? La bonté, la sagesse, l'intelligence, mais tout le monde s'en fout. Les vers à de vos brebis, les sourds à de vos corps. Cessez de vous faire diriger par des livres, c'est écœurant. Les gamins comprennent mieux que vous, qui kill et nique, c'est peut-être vous. Le rap est une bonne musique, mais ce système est un trou. Quand j'aimerais toucher les anges, couper mes racines et mes branches, directement voler dans le range, m'endormir par la douceur d'un son, jeter de la hauteur d'un pont. Comme j'aimerais toucher les anges, couper mes racines et mes branches, directement voler dans le range, m'endormir par la douceur d'un son, jeter de la hauteur d'un pont. Comme j'aimerais toucher les anges.